what? C'est un film faux pour fuir le présent. 88 miles à l'heure. C'est un film faux pour jouer avec le temps. 2,21 gigawatts. C'est un film faux pour aller plus en avant. 88 miles à l'heure. Le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. Comme tu prêt, moi, t'adolorea. Je voudrais voyager dans le temps. J'en ai marre du présent. J'aimerais corriger ma vie comme j'en ai envie. Voyager dans le temps comme l'a fait Marty. Comme tu prêt, moi, t'adolorea. Je voudrais voyager dans le temps. J'en ai marre du présent. J'aimerais corriger ma vie comme j'en ai envie. Voyager dans le temps comme l'a fait Marty. Je voudrais voyager très loin dans le futur. Regarder Ripley tuer des aliens. Je voudrais voyager très loin dans le passé pour changer ta vie.